Recueil maintenant sur la mise en onde. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. L'ONG Parsem déplore toujours la pénurie du carburant qui prévaut dans le pays et trouve que le gouvernement devrait user de la transparence pour que les Burundais sachent réellement le nœud de ce problème. Les habitants de la province Bubanza apprécient différemment la mesure administrative interdisant le commerce du maïs grillé ou cuit dans les lieux publics. Les uns disent que cela les aide à pouvoir manger, les autres expliquent plutôt que ce genre de commerce entraîne le vol du maïs dans les champs. Les habitants du nord de la capitale économique Bujumbura, œuvrant près de la rivière Nyabagere sur la RNM, crient à la construction de latrines publiques, disant que les gens se soulagent dans la nature et causent des odeurs nauséabondes qui constituent le danger pour leur santé. Et dans la chronique environnement de ce vendredi, Dr Clayton Ndikuma Genge, expert en changement climatique et en foresterie, nous parlera de l'état des lieux de la couverture forestière au Burundi. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Un délai de 3 jours à partir de ce lundi 10 février est accordé aux citoyens qui se sont fait un relais pour les prochaines échéances électorales pour qu'ils puissent consulter les listes électorales qui seront affichées sur les centres auxquels ils se sont fait inscrire. Cet appel a été lancé par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI au cours d'un point de presse de ce vendredi. Bernard Guamillé invite la population à vérifier en ayant soudé toute irrégularité qui aurait caractérisé son inscription. Que la Commission électorale nationale indépendante organise du 10 au 12 une activité d'affichage des listes électorales provisoires des électeurs. Ces listes électorales seront affichées aux anciens bureaux d'inscription qui vont être pour le moment des bureaux ou des centres d'affichage des listes électorales provisoires. C'est pour que les populations qui se sont fait enrôler lors de la période d'enrôlement des électeurs puissent vérifier s'ils ont été correctement inscrites sur les listes. En fait, de vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur au niveau de l'inscription. Vous savez, le travail de l'homme peut avoir toujours des lacunes. Sur terrain, il y aura des fiches pour omission. Si par hasard on a oublié d'enrôler quelqu'un, il y aura aussi des fiches de correction. On peut mal transcrire un nom. Il y aura aussi des fiches pour radiation. Si vous trouvez que quelqu'un ne remplit pas les conditions, on peut demander de l'enlever sur la liste. Il y aura aussi fiches d'opposition contre un recours en radiation. Vous savez, quand on porte une plainte, on a droit à la défense. Celui à qui on va demander de l'enlever sur la liste, cette personne a droit aussi de se défendre. Il y aura aussi une fiche pour transfert. Et comme vous le savez, les gens sont mobiles. On peut se faire enrôler à un endroit X, mais au moment des élections, on peut se trouver à un autre endroit pour des raisons diverses. Ça peut être des raisons de service, ça peut être des raisons de convenance personnelle où on est obligé de demander d'être transféré au moment des élections. Et puis, il y aura aussi une fiche pour des statistiques. L'organisation Parole pour le réveil des consciences et le changement de mentalité par CM trouve que le gouvernement devrait user de la transparence pour que les Burundais sachent réellement le nœud du problème de la pénurie du carburant qui prévaut dans le pays, que ce soit ce qui est en rapport avec les devises ou les importateurs. Au moment où la Banque mondiale, à travers sa représentation, a indiqué au cours d'une conférence de presse qu'elle envisage collaborer avec le gouvernement burundais pour apporter des solutions à ce problème, Faustin Ndikumana estime qu'après cet éclaircissement, les partenaires sauront d'où partir. On l'écoute. Pour ce qui est du carburant, je crois que le gouvernement devait jouer la transparence sur l'origine liée de ce problème. On a toujours parlé d'un problème endémique de arrêter des devises, mais aussi il faut aller en profondeur. Comment alors prendre une stratégie pour mobiliser les fonds, les financements des partenaires ici de gauche à droite? Comment gérer parcimonieusement le peu de devises dont on dispose? Comment organiser de façon transparente le marché d'approvisionnement du carburant? Sur ces trois volets, il faut une transparence. Alors, tout partenaire qui vient donner un appui, il partirait d'une réalité déjà décrite. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a une opacité qui continue à entourer le système d'approvisionnement. Même quand il y a un problème, le ministère de l'énergie mine ne sort pas de son sens pour bien éclairer. On sait qu'on n'a pas de devise, mais je crois que quelque part, le problème prend des allures de plus en plus importantes. Il faut que quand même, on y entre dedans pour que le gouvernement aussi puisse avoir un peu de devise, il peut le soutenir. Mais sinon, il faut jouer à la transparence sur les trois aspects. C'était Faustin Dikoumane, directeur national de l'ONG locale par CNF. À Boubanza, les habitants apprécient différemment la mesure administrative interdisant le commerce du maïs grillé ou cuit dans des lieux publics. Les uns disent que cela les aide à pouvoir manger non loin de leur lieu de travail, comme les chauffeurs ou les cultivateurs, tandis que les autres, y compris les administratifs, expliquent plutôt que ce genre de commerce entraîne le vol du maïs dans les champs. De détails avec Spes Caritas Cabanienne. Une femme rencontrée en commune Manda Soramante et dit que le commerce de maïs grillé était son travail quotidien et que ça lui permettait de faire vivre sa famille, tout en précisant que les commerçants du maïs grillé ne sont pas tous des voleurs, qu'ils achètent du maïs auprès des cultivateurs. Cette femme est l'une parmi d'autres commerçants du maïs grillé qui demande aux autorités de revoir la mesure interdisant ce commerce. Par contre, d'autres apprécient positivement la mesure tout en expliquant que cela a fait que le vol de maïs dans les champs diminue. Même son de cloche chez les administratifs, comme le dit Léonard Nsaïmana, chef de Colline et Rovira en commune Manda, qui ajoute que dans sa localité, la majorité de ses commerçants a respecté cette mesure. Cléophas Nizguimana, gouverneur de la province Mouvanza, de son côté, fait savoir qu'il prend régulièrement cette mesure à chaque période de récolte de maïs afin de protéger les récoltes. Il ajoute qu'il n'a fait qu'appliquer les doléances de la population qui se lamentait du vol dans les champs et demande à tous les habitants de cette province de respecter cette mesure. Spécialitas Kawanyana, Mouvanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Revenons sur Bujumbura, la capitale économique, où certains habitants de la zone urbaine de Kamenge, tout près de la rivière Nyabagere, déplorent les mauvaises odeurs dégagées suite aux gens qui se soulagent à cet endroit. Les habitants de cette localité évoquent ces mauvaises habitudes, faisant référence aux nombreuses activités dans cette localité où il n'y a pas de lieu, où il n'y a pas de lieu d'aisance public. Ses habitants demandent à la construction des latrines publiques. Les détails avec Ariela Chimilimana, stagiaire à la radio-télévision Isanganiro. Nous sommes sur la route nationale numéro 1 dans une localité communément appelée Kunyabagere. C'est tout près de l'église évangélique Elim Charismatique située au quartier Gituro, en zone Kamenge. Se trouve un endroit où des gens ont fait comme un lieu d'aisance pour le petit besoin. Ce que déplore un commerçant exerçant dans un shop de la localité. Il indique ne pas être à l'aise à cause de l'odeur nauséabonde qui s'y dégage. Déjà, Irine est tout près de nous, comme vous le voyez. C'est vraiment honteux, car ça touche négativement l'environnement. Si un criard passe par-ci, c'est gênant. Même respirer avec une mauvaise odeur et les mouches qui circulent tout autour, c'est désagréable. Tout près de cette place se trouve un robinet. Nyobungiro Claudette y puise de l'eau. Elle s'indigne que l'entourage soit menacé par cette mauvaise odeur. Ça dégage une mauvaise odeur et c'est désagréable dans l'entourage. Ça pue au niveau de l'odorat. Même s'ils disent qu'une mère met au monde là où elle arrive, ça dégage et ternit l'image du pays au moment où c'est au bord de la route. Ce n'est pas une bonne habitude. Dans la mairie, c'est un endroit où on doit observer de la propriété. Ces habitants déplorent que la localité regorge beaucoup d'activités, mais ne dispose pas des lieux d'aisance. Des adeptes de l'église évangélique et l'hymne charismatique indiquent que la mauvaise odeur de cet endroit les menace au cours de culte. Tous ces habitants demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème. Nous demandons au gouvernement de nous aider à sensibiliser la population ou mettre en place les lieux d'aisance publique qui arrangent les gens pour décourager ce phénomène. Ce n'est pas chez nous seulement à Nyawagere, il se passe aussi. Raison pour laquelle nous demandons au gouvernement, si possible, de sensibiliser à la construction des toilettes publiques rémunérées. Parce que même un client ne trouve pas où il peut se soulager. C'est ce qui cause ces gens qui urinent au bord des routes. Un des administratifs du quartier Gituro n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros, mais qu'il est au courant de cette situation, regrettant qu'un tel comportement reste nuisible à la santé. Il nous a indiqué que cela a débuté beaucoup avec l'installation d'un robinet public. Les mêmes endroits sont constatés dans la zone Ngagara à la route Mena vers Mutakula ainsi qu'au boulevard Moïse Gisabo. Parlons élevage à présent. Les éleveurs de lapins de la province Gitega réclament l'introduction de nouvelles races de lapins pour éviter le phénomène de consanguinité qui hante l'élevage de ces animaux. Ils demandent aussi des séances de formation sur ce type d'élevage pour réduire le taux élevé de mortalité des lapins actuellement enregistré. En outre, ils apprécient les recettes provenant de l'élevage des lapins, n'est-ce pas, Gélane Vikir? Les éleveurs des lapins rencontrés à la colline Rukoba, commune et province de Gitega, indiquent qu'ils ont besoin de nouvelles races de lapins du fait que le phénomène de consanguinité se manifeste dans son type d'élevage. Cela parce qu'il n'y a pas d'introduction récente de nouvelles races à grande échelle, quitte à atteindre les villageois. Pour eux, ce phénomène de consanguinité serait à la base de l'actuel taux de mortalité élevé de jeunes lapins essentiellement, comme le précise un éleveur d'ovin lapin de Lukova, qui explique que depuis le début de cette année jusqu'à présent, ces 10 jeunes lapins sont morts suite à la consanguinité, pense-t-il. En outre, les éleveurs de lapins de la dite colline demandent que les responsables du secteur de l'élevage organisent des séances de formation sur l'élevage des lapins en faveur de la population, des séances qui, selon eux, seront tenues au niveau des villages. En plus, ces éleveurs de lapins apprécient la manière dont l'élevage des lapins constitue un appui remarquable et rapide aux besoins des ménages villageois. Cela dans la mesure où la vente d'un seul lapin fait entrer dans un ménage un certain montant plus ou moins nécessaire pour subvenir à certains besoins de base de tel ou tel autre ménage villageois. Toutefois, ces éleveurs de lapins réclament un marché des urines des lapins. Cela parce qu'il y en a parmi eux ceux qui ont plus de 300 litres de ce liquide dans leur stock depuis un peu plus d'une année, sans pourtant trouver d'acheteur. Depuis Gitega, Jani Bigira pour Radio Isangani. Dans cette même page, le nouveau centre d'élevage de lapins Sunguranet se trouvant sur la colline Muyangé de la commune Mugina, province Chibitoke, dispose de 308 lapins récemment importés de la France. Blaise Nguringoma, directeur général du projet Sungura, indique que dans les prévisions, le centre aura la capacité de production de 50 000 lapins sur une période d'une année qui vont à leur tour être distribués à 10 000 ménages. On l'écoute. Nous élevons des lapins, dit la parento. Alors ces parentaux vont nous donner des F1. Alors nous avons une capacité de production sur le centre de plus de 8 000 lapins tous les deux mois. Alors nous pouvons assurer aux éleveurs 50 000 lapins F1. Alors nous allons distribuer ces lapins principalement aux éleveurs modèles. Ces éleveurs modèles vont à leur tour distribuer les lapins F1 qui peut donner à la fin des lapins de chair. Alors pour mettre en exécution ce programme, nous allons identifier les éleveurs modèles à travers travers le pays, que nous allons constituer une forme de coopérative pour que nous puissions un peu maîtriser tout ce qui est logement de lapin, nourriture, médicaments, etc. Ce que je peux également ajouter, que ça fait une année que nous travaillons sur ce projet. Cette année, nous avons été accompagnés sur tous les plans. Nous sommes en partenariat avec une entreprise béninoise, Onodo Ibidun Farming. Il se trouve dans une dizaine de pays africains. Cette entreprise est également partenaire d'entreprises françaises dans divers domaines relatifs à l'agriculture et l'élevage. Pour ce qui est de notre compte, dans le lapin, nous avons travaillé principalement avec trois entreprises leaders dans leur domaine. Pour la génétique, pour les lapins, nous avons travaillé avec IFAM. Pour la construction, nous avons travaillé avec le Chabotis. Et pour l'aliment, nous avons travaillé avec Terena. Place au sport. Plus de 10 ans d'absence de l'équipe nationale féminine de basketball dans les compétitions internationales. Et c'est la raison principale de la défaite de cette équipe dans les éliminatoires de l'afro-basketball féminin qui se déroule en Égypte. C'est l'analyse du directeur technique national au sein de la Fédération burundaise de basketball. Pour que cette équipe soit solide, Aaron Kagabo demande que les équipes féminines soient soutenues comme celles des garçons. On l'écoute. Comme vous l'avez dit, l'équipe nationale féminine de basketball du Burundi est au Caire en Égypte dans les éliminatoires de l'Afrobasket 2025. Comme vous l'avez vu sur les trois matchs déjà joués, nous avons perdu des trois. Mais pour moi, la raison majeure, c'est le manque de compétition. Si vous le savez, l'équipe nationale vient de passer plus de 10 ans sans sortir du pays. D'où la mauvaise performance, manque de compétition. Même au niveau local, on n'a pas assez de compétition. On n'a pas assez de matchs pour être à la hauteur de ces genres de compétition. Donc, je pense bien que si on pouvait augmenter le nombre de compétitions, soit au niveau local, soit au niveau international, l'équipe pourrait être mieux compétitive. Radio Isanganiro, chronique environnement. Le Burundi a une couverture forestière d'environ 10% de l'ensemble du territoire national. Le chiffre fourni par le ministère de l'Environnement en 2018. Docteur Clayton Dikumagenge, expert en changement climatique et en foresterie, indique que les Burundais devraient profiter de leur densité pour apprendre à planter davantage des arbres et cesser de les détruire pour atteindre au moins 30% de la couverture forestière afin de réduire les effets du changement climatique. Chronique environnement avec Lydie Gahimbad. Le Burundi a une couverture forestière d'environ 10% selon les chiffres fournis par le ministère de l'Environnement en 2018, alors que d'autres pays comme la RDC a une couverture végétative de 30% et le Cameroun à une couverture de 50% selon Dr Clayton Dikumagenge, expert en environnement. Nous sommes un pays où nous avons une couverture forestière très minime comparée à d'autres pays, moins de 10%, alors que d'autres pays voisins comme la RDC, et le Cameroun et d'autres au niveau de l'Afrique centrale, nous avons une couverture qui varie entre 30 et 40%. Il y a quand même une grande pression sur les ressources due à la démographie, les terres qui sont exiguës. Il y a tout ce qui est changement climatique, parce qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport au changement climatique et ça pose beaucoup de problèmes par rapport à ça. Selon Dr Clayton Dikumagenge, expert en environnement et changement climatique, la réhabilitation forestière est une approche qui consiste à travailler sur le paysage. Par réhabilitation forestière, il ne faut pas entendre uniquement planter des arbres. La réhabilitation forestière constitue effectivement une approche qui consiste à travailler sur le paysage, grand espace, qui travaille une fois sur d'abord les ressources naturelles, l'interaction entre les ressources naturelles et les hommes, mais aussi la prise en compte de tous les aspects sociaux, environnementaux, économiques et culturels. Donc la réhabilitation tient compte de la durabilité, et vous savez que la durabilité tient compte de 4 aspects. Avant, c'était l'environnement, l'économie et également le social. Mais maintenant, on a ajouté une 4e dimension qui est la culture, parce que nous devons également tenir compte de notre culture pour pouvoir travailler à ce niveau. Selon toujours Dr. Clayton Dikoumagengue, l'homme est à la base de la déforestation et la dégradation des sols. Il doit alors être la source de la forestation afin de réhabiliter et créer des richesses, mais aussi pour avoir un bon climat. La déforestation et de la dégradation sont des causes anthropiques. Et c'est pour ça que l'homme est à la base des problèmes, mais l'homme doit également être à la base des solutions. Et c'est pour ça que parmi les moteurs de la déforestation, il y a l'agriculture, mais le Burundi a une stratégie pour réduire la déforestation et la dégradation. Il y a une stratégie aussi de gestion forestière. Et là, on doit voir comment mettre ces stratégies en œuvre pour pouvoir aller de l'avant par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on doit réhabiliter, un, pour créer des richesses, deux, pour le climat, et trois, pour les communautés aussi. Parce que nous devons effectivement rendre les gens riches grâce aux forêts, utiliser les forêts comme une richesse naturelle. Selon toujours cet expert en environnement et changement climatique, les Burundais devraient planter beaucoup plus d'arbres pour la forestation afin d'avoir au moins une couverture végétative de 30% afin de contribuer à la réduction des changements climatiques. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Wimana qui était de l'autre côté de la vitrine. Bonne suite de nos programmes.